mesdames et messieurs, donc merci pour cette conférence de presse. Nous allons vous présenter le projet des rives de Saône. Or, comme vous allez le voir, il s'agit évidemment d'un projet extrêmement important, puisqu'il s'étend sur 14 communes, 5 arrondissements, et que sur la rive droite ou sur la rive gauche, c'est 50 km de linéaire qui vont être aménagés dans un lieu tout à fait exceptionnel, puisqu'il comprend à la fois le patrimoine historique de la ville de Lyon, les patrimoines d'ailleurs intéressants de tous les villages qui bordent la Saône et qui s'étaient construits jadis en liaison avec la Saône, qui aujourd'hui, hélas, tourne le dos au fleuve. Et donc, il s'agit pour nous de recréer cette liaison entre les communes, entre la ville et puis sa rivière. Évidemment, des paysages naturels tout à fait exceptionnels qu'il s'agit pour les Lyonnais de pouvoir redécouvrir. Donc, nous sommes partis de l'existant avec un certain nombre de problématiques auxquelles nous étions confrontés. D'abord, des bas-ports et des berges peu larges, discontinues, parfois inexistantes. Et donc, pour retrouver un linéaire, il fallait que nous puissions pallier ces carences. Bien sûr, une valeur écologique du paysage et des îles tout à fait exceptionnelle. Un espace vierge dans la partie rurale avec une logique routière prédominante et donc qu'il nous convient de remettre en cause. Des quartiers, des villages, des ports qui, comme je l'ai dit, sont en quelque sorte orphelins de la rivière. La proximité de réseaux de cheminement, d'espaces naturels qui permettent d'aller sur les collines qui entourent la Saône, un patrimoine important, mais peu de sites ouverts au public et des séquences paysagères évidemment très différentes les unes des autres. Et je dirais que la réussite du projet, ce sera de savoir retrouver des ambiances différentes. Et pour le promeneur qui ira flâner le long de la Saône, de pouvoir être frappé par la richesse et la diversité de ces ambiances. Donc un projet porteur d'enjeux multiples, d'abord qui participe à la dynamique communautaire en associant un nombre de communes importants, qui répond bien évidemment aux objectifs de développement durable, par des actions qui contribuent également à la cohérence sociale, économique, environnementale et territoriale de l'agglomération, en matière bien évidemment de développement urbain. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de mettre en rapport la ville, les quartiers de la ville, les villages avec la Saône. Une valorisation des espaces naturels et à une préservation de l'environnement, un confortement et un maillage des espaces publics et des réseaux de promenades mode doux, enfin un développement des usages nautiques et des rives en cohérence avec les orientations définies par le plan bleu. Tout cela s'inscrit bien sûr dans une démarche globale prenant en compte la culture, l'économie, le tourisme, l'événementiel, le patrimoine. Vous savez par exemple que pour l'événementiel, nous souhaitons créer dans l'année prochaine un événement autour des fleuves. Il s'inscrira bien évidemment dans le projet Rive de Saône. Donc, notre regard, le regard que nous portons, s'inscrit finalement dans trois dimensions. Il s'agit tout d'abord de recréer un linéaire qui puisse aller depuis la confluence jusqu'à Genève. Donc évidemment, c'est un linéaire de 25 km que nous allons traiter Pour mémoire, je rappelle que les berges du Rhône, mais ce n'est pas du tout le même camp, on le verra tout à l'heure, c'est 5,5 km. Donc, c'est la Saône cheminement que nous allons traiter. Le deuxième aspect, c'est d'essayer de recréer au bord de la Saône des espaces de proximité qui permettent aux promeneurs de se réapproprier un certain nombre d'endroits que vous voyez sur le plan que vous avez devant vous, que nous allons retraiter de manière à permettre de les rendre agréables pour l'ensemble de ceux qui iront, de mettre en valeur les caractéristiques qu'elles ont déjà, mais que nous voulons renforcer. Enfin, trois grandes zones, trois grands projets, celui de la confluence, mais qui est en cours d'achèvement, celui du Lion historique, et enfin, tout à fait au nord, la zone de Neuville, sur laquelle vous verrez que nous avons un projet tout à fait important. Donc, à partir de là, c'est évidemment des études pluridisciplinaires qui ont été déjà engagées par l'ensemble de nos services, et c'est une stratégie opérationnelle que nous sommes en train de dégager pour ce mandat, mais également pour le mandat suivant, parce que compte tenu de l'importance du projet, vous comprendrez bien que ce projet va s'inscrire forcément dans le temps. Alors donc, première définition, un cheminement au fil de l'eau entre le confluence et première séquence. Nous avons traité deux séquences, une première séquence jusqu'à l'île Barbe, et puis ensuite la séquence Val-de-Saône. Comme vous le voyez, sur cette séquence, nous partons de la pointe de la confluence, puis nous sommes en rive gauche jusqu'à la passerelle Saint-Vincent. Nous passerons en rive droite jusqu'à la passerelle de l'Homme de la Roche, et nous reviendrons en rive droite jusqu'au pont de l'île Barbe, avec au milieu un certain nombre de ponts ou de passerelles qui vont nous permettre, parce qu'évidemment il y aura peu de gens qui vont faire l'ensemble de l'itinéraire, de reboucler le territoire rive gauche, rive droite, et donc pour les habitants des différents quartiers, de pouvoir faire des loops qui soient dans leur quartier ou dans leur territoire. Deuxième aspect, un certain nombre de sites pour lesquels nous allons lancer des concours. 6 sites avec des interventions spécifiques. On les verra tout à l'heure, mais je vous en fais brièvement la liste. Il s'agit de Kitchener, de Saint-Antoine, de Saint-Jean, du Quai Gilet, de l'Industrie, de Neuville-sur-Saône et enfin de l'ancienne écluse de Calvi. Et enfin, 3 estacades qui vont nous permettre de retrouver le linéaire, puisqu'aujourd'hui, ce linéaire existe dans un certain nombre d'endroits de la Saône, mais il est interrompu par les ponts ou par nos parkings. Et donc, 3 estacades nous permettront de retrouver un linéaire total. Donc, confluence, c'est un projet qui est pratiquement, je dirais, achevé pour ce qui concerne la promenade, puisque vous savez que cette promenade sera ouverte à partir du mois de juillet. Et donc, dès cet été, les Lyonnais vont pouvoir bénéficier d'une promenade de 2,5 km, 2 hectares ouverts sur la Saône, eux-mêmes avec 2 hectares de bassin. Donc cet endroit va être ouvert au public à partir de juillet prochain. Et donc cette séquence est déjà largement réalisée. Vous pouvez en voir donc un aspect sur la photo du haut, avec effectivement la passerelle, le pont ouvrant, qui permettra de relier le sud de la confluence au nord de la confluence. Alors, lorsque l'on débouchait au nord, évidemment on débouchait dans une zone un peu ingrate sur le pont Kitchener, une zone relativement large, relativement importante, puisqu'elle fait 28 000 m². Donc c'est la première zone sur laquelle nous allons retravailler et sur laquelle nous allons lancer un appel à projet de manière à poursuivre la continuité du cheminement et à définir une zone agréable, un peu du type des aménagements que nous avons pu lancer dans les zones les plus larges des berges du Rhône. Vous voyez sur votre droite en haut qu'on a marqué une petite avancée. C'est parce que tout le long, nous voulons que l'aménagement des berges de la Saône puisse en même temps permettre de s'ouvrir sur les différents quartiers ou sur les différents villages qui l'abordent. Et donc, il y aura des agrafes sur lesquelles nous allons travailler entre les bords de Saône et puis l'intérieur de la ville ou des villages. Donc, ici, typique, on débouche donc sous la passerelle de l'abbé Couturier sur une promenade qui existe déjà, mais qui est extrêmement étroite. Donc, pour pouvoir continuer la promenade, on va réaliser ce que l'on a déjà fait, par exemple, devant la piscine du Rhône, donc élargir, construire une estacade en encorbellement sur la Saône et permettre ainsi de poursuivre la continuité piétonne pour ceux qui veulent se balader tout au long de la Saône. Nous en arrivons maintenant à un endroit majeur qui est évidemment à deux endroits majeurs qui sont la Presqu'île et Saint-Jean, mais qui pour nous forment un seul ensemble, c'est-à-dire que nous allons réfléchir depuis les façades de Saint-Jean jusqu'aux façades de la Presqu'île. Et donc c'est tout cet espace large que nous allons retraiter, sur lequel nous allons réfléchir en requalifiant les quais, donc de façade au bord de l'eau, à la fois du côté Presqu'île et du côté Saint-Jean, où nous allons retraiter par exemple l'ensemble des quais Romain-Rolland et des quais de Bondy pour les inscrire dans un nouveau circuit touristique du lieu. Donc, une zone que nous traitons, et le premier problème que nous avons à traiter, je vous ai dit tout à l'heure que nous pensions de manière globale et que lorsque nous pensions à l'aménagement des rives de Saône, nous pensions en même temps à l'aménagement des places qui bordent le cours de la Saône. Et donc, par exemple, nous pensons à l'aménagement Saint-Paul, comment on relie Saint-Paul aux berges de la Saône. Nous pensons à la place d'Albon et à Saint-Nizier. Nous pensons à la halle de la Martinière et comment on relie tout ça au quai de Saône. Alors, pour pouvoir réaliser tout cela, cela veut dire qu'en termes de stationnement, nous avons défini un périmètre sur lequel nous allons penser global en matière de prise en compte du stationnement pour offrir une offre de stationnement cohérente avec la libération des espaces publics. Vous avez ici aujourd'hui donc le projet Saint-Antoine tel qu'il existe, la réalité plutôt telle qu'elle est aujourd'hui. Vous voyez peut-être mal, on voit donc la partie aménagée, la promenade du quai Saint-Antoine, et ensuite on tombe sur les parkings et le petit liseré que vous voyez au bord de la Saône, c'est évidemment le mur de façade des parkings. On le voit assez mal sur la photo, mais je tiens à le préciser. Donc aujourd'hui, séparation totale entre, d'une part, la promenade du quai Saint-Antoine et puis les bords de Saône. Donc voilà ce que cela donne aujourd'hui, c'est-à-dire que les voitures arrivent jusqu'au bord finalement de la promenade. Il faut faire un détour pour être au bord de la Saône, et on peut dire que l'environnement est un environnement particulièrement ingrat. Alors à partir de là, nous allons réfléchir sur des projets qui vont s'inscrire dans la durée. Premièrement, contrairement à ce qui va être écrit, ce qui avait été écrit et sur le quoi on avait questionné les Lyonnais, on ne va pas commencer, bien sûr, par démolir le parking Saint-Antoine. On va commencer par construire un autre parking. Vous verrez une image tout à l'heure. Un autre parking qui se trouve sous le quai Saint-Antoine et qui comprendra le même nombre de véhicules. Cela veut dire que cela va nous prendre à peu près jusqu'en 2014. Et pour que nous puissions donc ne pas avoir de rupture dans le linéaire, puisque nous voulons un cheminement qui soit continu, eh bien là aussi, nous allons construire de manière provisoire une estacade qui va permettre d'avoir une promenade qui soit un peu plus agréable que le bout de promenade extrêmement étroit que l'on a aujourd'hui. Alors je dois préciser de ce point de vue que ce soit pour les parkings Saint-Antoine ou les parkings Saint-Jean, la première réflexion que nous avions au départ, c'était de pouvoir reconquérir simplement, on va dire, l'étage au niveau de la route, de manière à pouvoir les aménager et puis laisser pour nos successeurs dans 10 ans, dans 15 ans, le soin de les démolir. Mais lorsqu'on a fait les études techniques, on s'est aperçu que ces parkings vieillissants ne supportaient pas que l'on mette une couche de terre au-dessus des parkings pour les aménager et ne supportaient pas qu'il y ait une foule qui puisse éventuellement se masser sur ces lieux pour des événements. Alors on a décidé d'aller vers une solution radicale et donc dans ce mandat de construire un nouveau parking, donc comme je vous l'ai indiqué, sous le quai Saint-Antoine, et puis ensuite de démolir, donc vous voyez le périmètre qui est aujourd'hui traité, donc vous voyez au-dessus, en bleu, ça sera le futur périmètre du parking. Vous voyez que sur le périmètre d'étude, on comprend la place d'Albon pour aller jusqu'à Saint-Dizier, de manière à pouvoir réfléchir de manière globale sur le réaménagement de l'espace. Et puis ensuite, donc vous aurez ici le périmètre du parking, et ensuite ce parking réalisé, nous démolirons le parking. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, vous savez que le parking Saint-Antoine a été construit sur une ancienne grève, et donc vous avez un espace au bord de l'eau que les Lyonnais vont redécouvrir quand le parking Saint-Antoine aura été démoli. C'était un endroit où on jouait aux boules au bord du fleuve, où il y avait du sable, et donc ils vont redécouvrir dans quelques années cet espace. Évidemment, vous comprenez que redécouvrir la Saône dans ce périmètre-là, pouvoir se balader au bord de la Saône, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel pour les habitants de notre ville, et je crois que pour les visiteurs, cela ajoutera, je dirais, de l'éclat à ce que nous réalisons dans la réappropriation de nos bords de fleuve. Alors ensuite, on continue, donc, puisque là on est sur la grève dont je viens vous parler, et puis il se trouve que sur le quai de la Pêcherie et le quai Saint-Vincent, il y a une interruption. Et bien là, de la même manière, nous allons construire une estacade comme tout à l'heure, de manière à pouvoir relier ce que nous avons, le cheminement de la partie sud, avec la continuation de la partie nord. À partir de là, nous remontons sur le quai et nous arrivons sur la passerelle Saint-Vincent. La passerelle Saint-Vincent, nous traverserons la passerelle Saint-Vincent pour pouvoir passer en rive gauche. Et en rive gauche, nous avons sur les bas-ports une possibilité de réaménagement en rive gauche et donc de retrouver là aussi le contact direct avec le fleuve en rive gauche jusqu'au pont de l'Homme de la Roche où nous retraversons sur la rive droite. Alors à partir de la rive droite, nous avons déjà un bas-port aménagé et utilisé. Et nous allons repenser par contre la promenade située en Kéo, près d'éléments de grande qualité patrimoniale, donc les subsistances, le port Saint-Jean, mais déjà aujourd'hui une belle continuité de cheminement possible. Nous arrivons ensuite à l'opération Bas-Port-Gilet, qui bien évidemment prend place dans deux opérations plus globales, qui sont le réaménagement du tunnel de la Croix-Rousse, avec donc l'ensemble de l'aménagement qu'on vous a présenté, ou qu'on vous présentera peut-être de manière un peu plus définitive après que les voies de recours aient été épuisées, de manière à ne pas avoir un recours tout de suite. Mais en tout cas, sachez qu'il y a déjà là un projet qui commence à être pensé de manière globale, de la même manière d'ailleurs que le futur pont Schumann qui sera réalisé en 2014. Donc là, vous avez deux projets qui seront terminés, à la fois deuxième tube, Motte-Doux en particulier, et pont Schumann, qui seront réalisés en 2014. Ce qui veut dire d'ailleurs, si on peut revenir à la photo, qu'à partir de là, la passerelle Mazarik devient une passerelle qui est uniquement piétonne et Motte-Doux. Et ça, c'est une des grandes thématiques de ce que nous allons faire. Nous ne pensons pas que les gens vont accomplir l'ensemble des 25 km. Et donc, nous essayons de créer des boucles qui permettent de faire sur 3-4 km, rive gauche, rive droite, et donc de réaliser les parcours qui sont les parcours de quartier qu'on va faire le dimanche avec ses enfants pour se balader autour de la Somme. Donc, vous voyez qu'on a une très belle promenade déjà, donc avec un aménagement qu'on fera minimaliste, puisqu'on a une promenade à la fois belle, avec des escaliers qui communiquent chaque fois avec le haut et qui en même temps sont assez beaux d'un point de vue architectural, donc aménagement minimaliste qui nous permettra de continuer vers le nord. Nous arrivons donc dans la partie nord à partir du pont Schumann. Nous allons remonter ce linéaire du côté donc de l'île Barbe et nous aurons un cheminement qui permettra d'aller 2,3 km. Alors là, on rentre dans une zone que nous voulons plus naturelle, où là aussi l'aménagement sera minimaliste pour lui conserver le caractère que vous voyez dans le bas. C'est-à-dire un petit peu ce qu'est aujourd'hui devant la Cité internationale, les petits parcours qu'on peut faire dans les Launes, où l'on est totalement dans la nature et donc où on peut se balader pour arriver jusqu'à l'île Barbe. À l'île Barbe, vous avez un aménagement, c'est le troisième grand projet majeur. Sur l'ancienne écluse de Caluire et la zone nautique qui existe là, donc appel à projet que nous allons faire de manière à valoriser l'ancienne écluse face à l'île Barbe, où en même temps nous allons valoriser le club canoë-kayak qui se trouve dans le même secteur, de manière là aussi à recréer dans une zone où on ne se balade pas beaucoup aujourd'hui, eh bien une capacité de retrouver le fleuve avec une belle zone réaménagée bien évidemment en liaison avec les activités nautiques et touristiques. J'en profite puisque nous sommes dans ce secteur pour dire, voyez la zone donc, que nous réaménageons ici. Lorsque nous passons, nous traversons éventuellement le pont de l'île Barbe, qui est tout de suite ici. Vous savez que nous avons le projet, c'est ce qui est en violet tout à fait en haut, non pas le projet, mais la réalisation qui va se faire au cours de ce mandat, de mettre la voie qui aujourd'hui est sur le quai, de pouvoir la mettre le long des voies ferrées. C'est la fameuse voie des deux Johannes. Et donc, elle va être réalisée dans ce mandat. Et là aussi, achèvement des travaux à peu près 2013-2014. Donc, on ne passera plus pour desservir Touvez le long du quai, mais derrière. Ça veut dire que ce quai, donc, quai de l'industrie, quai Sédaillan, pourra être réaménagé uniquement pour les transports en commun et pour les modes doux, donc vélo et promenade. Et voyez la qualité des espaces qui sont à la fois sur le quai haut, mais en même temps sur le quai bas, avec quelques parties que nous allons reprendre. Donc là aussi, un bel espace. Et quand je vous disais tout à l'heure que nous pouvions faire des boucles, imaginez la boucle que nous pouvons faire entre la passerelle, j'oublie son nom, Mazarik, ensuite reprendre le pont de Villebarbe et puis revenir par ce quai réaménagé. Vous avez là sur 2,5 km une promenade qui est absolument exceptionnelle. Alors nous allons passer maintenant sur la partie Val de Saulx. Alors elle répond à la même philosophie, à la fois acheminer un certain nombre de continuités pour les placements et puis en même temps focaliser sur un certain nombre d'aménagements. Comme là évidemment nous sommes sur des distances plus longues, c'est essentiellement en termes d'aménagement vélo que nous allons penser l'ensemble de cette séquence qui va nous permettre d'aller depuis Villebarbe jusqu'à Genet avec donc des pistes cyclables qui seront aménagées. En même temps, nous faisons un certain nombre de focus avec des points qui vont servir d'aménagement. L'île Roy, l'ensemble de la promenade de Fontaine, la promenade des guinguettes de Roche-Taillée que nous allons réaménager. Et donc, on va vous faire quelques focus sur ces points. D'abord, l'île Roy. Comme vous le savez, dans le dernier mandat, M. Replin avait lancé l'agenda 21 du Val de Saulx. Et donc, c'est dans ce cadre que va s'inscrire un projet d'île école dans l'île Roy pour permettre aux enfants des écoles, par exemple, qu'ils puissent découvrir un endroit naturel où sera protégée totalement la diversité de la faune et de la flore, donc un très beau lieu, bien évidemment. Ensuite, deuxième lieu, la promenade de Fontaine, qui existe aujourd'hui, mais que là aussi, il s'agit, vous en voyez quelques images, il s'agit de mettre en valeur 800 mètres de promenade de berge, avec la création d'une liaison avec une halte fluviale et avec la mise en lien avec le centre de Fontaine. Vous savez qu'aujourd'hui, le tourisme fluvial est de plus en plus développé et donc nous allons créer, en même temps que nous réaménageons ces espaces, un certain nombre de haltes pour que les touristes puissent aussi aller découvrir l'arrière-pays qui se trouve, que ce soit les collines du Franc-Comtois ou les collines des Monts d'Or. Troisième endroit sur lequel nous allons travailler, les guinguettes de Roche-Taillée sur Saône, que vous connaissez tous, mais qui aujourd'hui, on va dire, sont à la fois un endroit extrêmement intéressant, mais avec des aménagements pourraient être repris de manière, on va dire, plus écologique, faire en sorte que l'on concentre le stationnement dans une zone précise et qu'ensuite, donc, on puisse réaménager de manière un peu plus harmonieuse, un peu plus naturelle, l'ensemble de ces guinguettes. On peut passer. Donc, enfin, dernier grand projet qui va être l'équivalent à peu près de ce que nous allons faire pour ce que nous avons fait pour la confluence, de ce que nous allons faire pour le centre historique de Lyon, qui va être ce que nous avons appelé les marches de Neuville-sur-Saône. Donc Neuville-sur-Saône qui pourra accueillir d'ailleurs une estacade également pour permettre au tourisme nautique de pouvoir débarquer à Neuville-sur-Saône et donc d'en faire une zone touristique. Donc si l'on regarde la situation actuelle, on peut laisser la situation actuelle, on s'aperçoit qu'on a trois domaines déjà. Une zone de centralité, une zone relativement paysagère avec un grand parc, et puis un domaine totalement dévolu à l'automobile. Donc nous allons essayer de repenser tout cela de manière à faire en sorte que peut-être la zone automobile soit plus cadrée, que nous retrouvions là aussi les bas-ports avec un embarcadère, qu'entre ces bas-ports et le parc qui se trouve au-dessus, nous retrouvions un certain nombre de cheminements, que nous puissions bien évidemment conserver le marché, mais peut-être là aussi le réactualiser, le requalifier, et enfin que nous assurions la liaison entre le centre de Neuville et puis les bas-ports. Voilà donc un peu brièvement présenté. Alors, à la fois une démarche qui est globale, mais qui en même temps se focalise sur un certain nombre de lieux. Donc, je vais vous les redécliner pour que vous compreniez bien le suivi. Vous voyez chaque fois en rouge donc le cheminement piéton qui va permettre, ou bien cycliste, qui va permettre de desservir toute cette zone. Donc, sur le quai Jean-Jacques Rousseau, et vous avez dans le bas, les couleurs indiquent dans quel laps de temps tout ceci se fera. On commence par le quai Jean-Jacques Rousseau. Donc simplement dans ce mandat, aménagement de sécurisation pour une éventuelle piste cyclable sur le quai Jean-Jacques Rousseau, mais à terme, reprise de toutes les balles avec les sentiers qui sont dans les balles. De l'autre côté, le confluent qui se termine, je n'insiste pas. Ensuite, donc, on passe au projet que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, nous commençons du côté Saint-Antoine et sur Saint-Paul-Gerson, quelques aménagements, on va dire, dans ce mandat, pour une raison simple, pour deux raisons simples. Un, parce que nous ne pouvions pas cumuler financièrement l'ensemble des projets. Et puis, surtout, parce que pour des raisons pratiques, vous voyez bien que nous ne pouvons pas transformer la ville en un espèce de bunker pendant ce mandat. Parce que si nous aménagions en même temps à la fois Saint-Antoine, Saint-Jean, le tunnel de la Croix-Rousse, je ne sais pas trop par où on pourrait passer au cœur de la ville. Et donc on va séquencer dans le temps, ce qui veut dire que nous traiterons de la même manière que Saint-Antoine, un parking souterrain sous Saint-Jean, mais cela sera pour le mandat prochain. Nous passons donc aux opérations. On peut peut-être garder la même image. Ah oui, excusez-moi. Oui. Nous passons aux opérations que je vous ai présentées sur tout le quai Gilet et puis sur donc le quai de l'Industrie, avec là aussi quelque chose que nous ferons plus tard, c'est le réaménagement de la trémie du pont Clémenceau. Là aussi, on ne l'a fait pas dans ce mandat, parce que, évidemment, les problèmes que va poser la fermeture pendant 6 mois de la Croix-Rousse va être extrêmement, on va dire, contraignant pour les habitants de ce secteur. Donc, nous passerons dans le deuxième mandat pour les raisons que j'indique, parce qu'il faut d'abord terminer la liaison le long des voies ferrées. Donc, tout ce qui est quai de l'Industrie, Paul Sédaillant. Par contre, nous réalisons dans ce mandat tout ce qui concerne donc l'ancienne écluse de Caluire et la liaison bien évidemment entre les deux. Voilà, nous, Quai Gilet, j'en ai parlé, donc cela sera fait dans ce mandat. Ensuite, sur le Val de Saône, le projet Île-Roi fait dans ce mandat, de même que la promenade de Fontaine, ce que la promenade des Guinguettes de Roche-Taillé, enfin, ce que nous appelons la loupe d'Albigny-Couzon, que nous allons commencer à préparer, mais qui demande déjà une concertation entre les maires du secteur pour qu'ils soient d'accord sur le projet et que nous lancerons dans des mandats futurs. Et enfin, donc, Neuville, sur lesquels donc, nous allons réfléchir, lancer toutes les opérations d'abord de réflexion, ensuite d'études et d'appel d'offres, de manière à ce qu'elles soient opérationnelles dans le mandat suivant. Donc voilà, vous avez ce projet donc, global des rives de Saône, dont vous comprenez à la fois qu'il a un aspect global, mais en même temps avec des focalisations sur des aspects très locaux. C'est pour cela que nous avons mis en place un comité de pilotage sous ma présidence qui va comprendre un certain nombre de vice-présidents, Roland Crignier au titre des grands projets d'agglomération, Roland Bernard au titre des fleuves, Patrick Bouju sur les centralités et la liaison donc entre la ville et ses fleuves, Gilles Buna évidemment sur la coordination de l'urbanisme, Pierre Abadi sur les problèmes de voirie et d'accessibilité, Jean-Paul Collin au titre de la politique de l'eau, parce que cela suppose également que nous ayons un fleuve propre, et donc par exemple les problèmes de construction de stations d'épuration à Neuville-Genêt seront pris en compte dans le projet, dans les projets du prochain mandat, Michel Replin au titre du développement durable et Gilles Mescot au titre des nouvelles mobilités urbaines. Donc, bien évidemment, ce comité de pilotage va avoir charge de prendre contact avec tous les maires et tous les maires d'arrondissement qui vont être concernés par le projet pour que nous puissions avoir non seulement une concertation d'ensemble, mais une concertation sur l'aménagement de leur territoire. Et donc, à la fois du global et du local, ce que mon ami Gilles Buna appelle le local. Donc on va essayer de fonctionner comme il le souhaite, en fonctionnant local à partir d'aujourd'hui. Pour présenter le projet, nous allons prendre la péniche qui nous a servi pour les bords, pour l'aménagement des berges du Rhône, et donc qui va devenir une péniche itinérante, donc qui accostera dans les différents lieux embarcadères où nous souhaitons développer des projets et qui permettra donc la concertation avec l'ensemble des habitants. C'est aujourd'hui un projet inscrit à la PPI pour 35 millions d'euros, qui fera sans doute un peu plus, auquel il faut rajouter, parce que dans ces 35 millions d'euros ne sont pas compris les DSP pour les parkings, et ne sont pas compris les aménagements mode doux. Je vous rappelle que pour les aménagements mode doux, c'est 90 millions d'euros que nous avons inscrits à la PPI pour l'ensemble du mandat, dont une partie pour ce projet, évidemment, pas simplement pour ce projet. Voilà, je suis et nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous aurez. Auriez-vous la courtoisie de rappeler vos futurs appels à projets? Oui, je vais reprendre. Donc, appel à projet en dehors des estacades, hein. C'est Kirchner. Donc, c'est Kirchner, la première estacade, le premier lieu que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ensuite donc Saint-Antoine. Et puis réaménagement de l'autre côté. Sur éventuellement quelques réaménagements sur Saint-Jean. Parce que sur Saint-Jean, si on ne va pas faire un réaménagement de l'importance de ce que nous faisons sur Saint-Antoine, on va au moins essayer de libérer du mobilier urbain qui l'encombre, ce qui est en face du palais de justice qui va être réhabilité, de manière à ce qu'on n'ait pas une sortie d'un beau palais de justice sur quelque chose finalement d'assez laid aujourd'hui. Ensuite, c'est tout ce qui concerne le quai Gillet. Donc, grand projet de réaménagement qui fait partie de l'opération tunnel de la Croix-Rousse. Ensuite, c'est tout ce qui concerne le quartier de l'industrie. C'est ce qui concerne les projets donc de réaménagement de l'écluse de Caluire. Et enfin, évidemment, c'est le grand projet de Neuville-sur-Saône. Alors moi, j'ai trois petites questions. Oui. Je voulais savoir si la continuité des verges pourrait être cyclable, sans nécessairement qu'il y ait des pistes. D'autre part, si dans les projets nautiques, est-ce que la baignade était une éventualité? Et d'autre part, je voulais savoir si un jour on verra un port de plaisance. Alors, je vais essayer, on va reprendre les questions. Première. La première, est-ce qu'on pourra faire du vélo sur la continuité des berges aménagées? Alors, sur les berges, non. Hein, bien évidemment, pas sur les berges, dans le bas-port. Hein. Enfin, je veux dire sur le bas-port, puisque vous avez vu qu'il y a quelques endroits, c'est de l'herbe hein, qu'on va laisser, en particulier dans le Val de Saône. Mais il y aura une liaison, effectivement, cycliste, qui sera continue sur tout le port haut. Par exemple, dans la traversée de Lyon. Quand on vous dit qu'on va remettre Saint-Antoine et aller depuis les façades jusqu'au bord de l'eau, ça veut dire bien évidemment quand on aura reconfiguré le quai Saint-Antoine et le marché, là il y aura la place pour mettre une belle piste cyclable. Deuxième question. Est-ce qu'on peut envisager des piscines dans l'eau? Des piscines dans l'eau, pour le moment on peut envisager. Ce n'est pas encore dans les projets parce que moi je lance toujours, je dis toujours que aujourd'hui la PPI du Grand Lyon c'est 2,2 milliards d'euros et que quelquefois on m'explique qu'on peut tout réaliser mais sans augmenter les impôts. Comme je ne suis pas un démagogue, je dis qu'on va augmenter les impôts. On les a augmentés déjà pour ce qui concerne Lyon. Comme vous le savez, pour la taxe professionnelle, c'est lié à l'augmentation globale des impôts sur toutes les villes. Et donc, les villes qui veulent avoir des beaux projets ont plutôt intérêt quand même à augmenter un peu les impôts, de manière à nous donner un peu de goût pour pouvoir développer tous les projets qu'ils ambitionnent pour leurs concitoyens. Donc, ensuite, rien n'est impensable, mais on n'a pas étudié ça aujourd'hui. Troisième question, y aura-t-il un jour un port de plaisance pour les ménages, oui. Alors, dans les aménagements nautiques, on y pense effectivement. Mais avec une condition, c'est qu'on ne veut pas développer de manière extrême la navigation motorisée. Pour une raison simple, c'est que si on faisait un grand port, une grande marina, la Saône, qui est aujourd'hui un espace de tranquillité, deviendrait demain un enfer. Pour ceux qui connaissent par exemple la marina d'Ampuria Brava en Espagne, ils savent que pour traverser un chenal, parce que tout le monde arrive avec son bateau motorisé, il faut s'y prendre à deux reprises parce qu'il y a un bateau tous les 4 secondes. Donc comme on ne veut pas faire cela de la Saône, on ne va pas développer des ports où il y aurait 2000 bateaux à moteur qui viendraient faire broum broum les dimanches sur le parcours de la Saône. On veut plutôt les parcours naturels plutôt que ce genre de problématique. Est-ce que des sites ont déjà été étudiés? Bah, Vous savez bien que du côté de ses cousins, hein, Albilly, il y a déjà un port qui existe sur lequel il peut y avoir effectivement un développement un peu plus important, mesuré de la navigation. Mais mesuré, hein. Moi je l'ai fait même remettre au niveau du SCOT, parce qu'au niveau du SCOT, schéma de cohérence territoriale hein, pour tout le monde, qui disait il faut utiliser davantage nos fleuves, leur a dit attention, remettez pas sur les fleuves ce que vous voulez enlever sur la voirie aujourd'hui. Et au sud ? Et au sud. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'un port présent au sud, c'est-à-dire au-delà du confluent ? Pour le moment, si vous voulez, déjà le projet, comme vous le voyez, qui est un tout petit peu ambitieux, il va de la convergence jusqu'à Genève. On vous présentera peut-être un autre projet qui va jusqu'à Marseille, mais ce sera dans le troisième mandat. Est-ce qu'il y a une jonction qui est prévue au confluent pour rejoindre le Rhône par un cheminement piéton ou cyclable une fois qu'on est à la pointe du confluent? Pour rejoindre quoi? Les berges du Rhône. Vous avez une passerelle qui va être construite, comme vous le savez, pour amener le tramway, et donc à côté du pont actuel, et donc qui va être conçue mode doux, transport en commun plutôt, tramway, hein, puisqu'on fait traverser le tramway, on le fait rejoindre de Bourg pour qu'il puisse avoir une jonction avec le métro et ainsi faire une boucle totale, et en même temps que nous étudions cette passerelle, on prévoit pour cette passerelle un espace pour les piétons et pour les cyclistes. Donc oui, on peut rejoindre les berges du Rhône. Est-ce que le projet va entraîner des requalifications de voiries, notamment sur le quai Saint-Antoine? Est-ce que les voiries À partir du moment où on va construire le parking en souterrain, ça veut dire que les voiries pourront, par exemple, mais pas dans ce mandat, hein, dans le mandat prochain, parce que là, on construit déjà le parking. Hein. Ça veut dire que on peut imaginer, aujourd'hui, le trottoir devant les façades, devant les commerces, est relativement étroit. Donc, on peut penser que la nouvelle voirie, il est relativement étroit. Quand vous regardez à certains endroits du quai Saint-Antoine, vous êtes quand même contre les commerces. Et donc, on peut imaginer qu'on élargisse d'un mètre les trottoirs de manière à avoir quelque chose d'un peu plus spacieux. Donc oui, cela peut nous amener à reconfigurer un peu tout cela. Ah ben après, c'est des terrasses, bien évidemment. À la place des voitures, au-dessus, sur la partie où vous avez aujourd'hui des voitures, quand on aura reconfiguré tout ça, vous aurez des terrasses, parce qu'on ne sera plus, on est sur les parkings, on n'aura plus ces parkings. Et oui. À Saint-Antoine, que va devenir le marché pour les travaux et après... On va essayer de travailler, mais là vous rentrez dans le détail, hein. Évidemment on y a pensé en plusieurs phases, de manière à pouvoir déplacer le marché sur une partie nord, et ensuite quand on aura travaillé sur la partie nord, le faire reglisser plus au sud, donc travailler en plusieurs séquences. Et là on rentre déjà dans le, si je puis dire, dans le vif du sujet, quoi. Quelles sont les contraintes sur l'aménagement du bateau, comme la Saône déborde? Alors évidemment vous avez raison de souligner ça. Ça veut dire que les aménagements, ça déborde au moins une fois tous les deux ans, c'est pas une fois par an, ou deux fois tous les trois ans, peu importe. Ça veut dire que c'est forcément des aménagements sobres et qui puissent supporter les crues, puisqu'on sera périodiquement inondé. Donc il faut un aménagement sobre qui permette de pouvoir supporter la crue. Alors, comme vous le savez, Unibail, lorsqu'ils vont avoir terminé leur centre de loisirs, envisagent, eux, d'expérimenter une navette fluviale régulière qui fasse justement la navette entre Unibail et l'embarcadère d'Antonin Poncet. Donc, si je puis dire, ils vont nous servir un peu d'expérimentateurs. Donc, on verra, lorsqu'eux auront expérimenté, si c'est effectivement tenable comme projet et si on peut essayer d'aller plus loin, sachant que le problème, je l'ai toujours dit, hein, de la navigation, c'est que, comme vous venez de le souligner à présent, la Saône a des débits très variables. Et s'il faut le matin, à 5 heures du matin, téléphoner à la météo pour savoir si vous prenez le bateau ou bien si vous prenez les transports en commun, c'est pas pratique, quoi. Plus rupture de charge et tout. Plus vitesse limitée. Par rapport aux pistes cyclables, est-ce qu'elles seront séparées de la route? Parce qu'actuellement, il existe une portion de pistes cyclables. Donc, est-ce qu'elles seront séparées de la route? Ou alors, est-ce que ça sera simplement délimité à la peinture comme actuellement? Alors, il y a des endroits où ça sera séparé de la route et des endroits où on ne pourra pas séparer de la route. Comprenez bien qu'il y a des endroits où on ne peut pas agrandir la voirie. Donc là, ça sera sur la voirie peinte. Mais moi, j'ai donné comme consigne aux différents vice-présidents que je préférais que dans ce mandat, on fasse moins de pistes cyclables en distance, en disant ce qu'on a dit, on va en faire 30 km par an, qu'on en fasse moins, mais que ce soit des vrais. Je préfère, si vous voulez, qu'il y ait des vraies réalisations séparées de la voirie plutôt que de peindre des kilomètres de bitume et que les cyclistes soient encore dans la voirie. Donc c'est la consigne que j'ai donnée à tous ceux qui s'occupent de ce développement. Concernant les berges du Rhône et leur achèvement avec la création des voies, est-ce que c'est prévu pour ce mandat? Oui, à une condition, mais Gilles, tu peux répondre, c'est qu'elles aient vraiment leur utilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, lorsqu'on réfléchit, qu'il y a des tas de gens qui se disent soit on fait des immenses boîtes, soit elles n'ont pas, par exemple, pour des bars, la capacité commerciale. Donc, oui, quand ça correspondra aux usages. Déjà, on fait des ascenseurs, là où étaient localisées des boîtes, où il y avait des ascenseurs pour l'accessibilité handicapée. Ça, je crois que c'était voté récemment, j'en suis même sûr, parce que j'étais présent à la commune de Terbenne. Et quant aux boîtes, on travaille avec la ville pour savoir si on peut adapter les surfaces à des usages. C'est vrai que ce que nous avions proposé au départ était un peu exigu pour avoir une fonctionnalité commerciale. Alors, je signale, puisqu'on parle de handicap, hein, que sur ce parcours, on ne pourra pas avoir un parcours handicapé tout le long. Parce que là où vous avez de l'herbe, on ne va pas pouvoir, on ne va pas enlever l'herbe pour mettre du goudron. Comme vous l'avez vu, il y a plein d'escaliers un peu partout. Et donc, on ne peut pas enlever les escaliers et mettre des rampes. Donc, je préviens à l'avance ceux qui veulent que tous les endroits de la ville soient accessibles aux handicapés, c'est pas possible partout. Hein. Là où on pourra le faire, on le fera, mais il y a des endroits où c'est totalement impossible. Hein. De la même manière que tout à l'heure, le maire du 4e arrondissement dira il faut mettre des sentiers qui partent du bas pour aller en haut, ils ne seront pas adaptés non plus aux fauteuils roulants pour partir du bas du quai d'eau jusqu'à la montée jusqu'au boulevard de la Croix-Rousse. La descente, j'aime mieux pas, mais la montée serait physique. D'autres questions? Les premiers travaux, d'abord, si vous voulez, ce qu'on a, les services ont commencé et c'est terminé quand? Demain. Donc, on va avoir une première phase, on va dire, jusqu'à la fin de cette année, qui va être un peu précisé le cahier des charges, travailler avec les services. En même temps, commencer les premières concertations avec la population, de manière globale. Deuxième phase, 2010, affiner les projets dont vous a parlé là-dedans, discuter avec la population et lancer les appels à projets. Je pense que ça nous prend une année à peu près. Donc après, vous connaissez les procédures, un an et demi, on peut considérer que tout ça, pas dans la globalité, hein, parce qu'il y a des choses qu'on peut peut-être faire un peu plus vite, mais ça nous mène quand même à 2013, environ, hein, 2012-2013. Et sur le nord, il y a des... Mais partout, comme de la même manière qu'on va terminer la confluence là, sur nord, il y a des séquences qui sont parties. Tout ne sera pas livré en même temps. Hein. Suivant les séquences, vous aurez des choses qui vont avancer plus ou moins vite. Je voudrais rajouter, il y a déjà des séquences qui ont été faites dans les précédents mandats. Et par exemple, la piste cyclable rive droite, elle est déjà partie, elle va commencer au mois de mai, entre déjà le pont de Fontaine et puis l'île Barbe. Donc là, c'est déjà dans les tuyaux avec des aménagements de rond-point. Voilà, mesdames et messieurs, merci à vous.